lors de cette semaine à Assemblage Requis. On parle du Festival de musique émergente en Abitibi. La suite de la chronique, veux-tu sortir avec moi sur comment choisir son sac de couchage? On parle du nouvel album de Winter Gloves. Et c'est à Assemblage Requis tout de suite. Les petits oiseaux d'Assemblage Requis font des bye-bye à Stéphanie. C'est sa dernière émission de la version estivale d'Assemblage Requis aujourd'hui. Oui, mais pour toi aussi, la version estivale, du moins. Oui, c'est ça. C'est la dernière fois qu'on se lève à ces heures-là. Hey, on est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières ce jeudi 2 septembre 2010. Bienvenue à Assemblage Requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et oui, ben c'est la dernière émission estivale, mais il y a des choses qui se passent et on vous en parlera d'ici à la fin de l'émission. On veut profiter de nos moments en après-midi, comme ça, les savourer. Pendant qu'on n'a pas besoin de se lever tôt. C'est ça. aujourd'hui, on a plein de nouvelles. On a ta chronique, ton plat favori. Ouais. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous apporter aujourd'hui? Je vais t'apporter... J'aurais pu dire des fleurs, mais... Malheureusement, oups. Non, Mathieu ne m'a pas apporté de fleurs. Je vais probablement te laisser carte blanche aujourd'hui, je te dirais. On va essayer d'être le plus Stéphanie possible. Pourquoi être plus Stéphanie possible? Parce que plus c'est Stéphanie, mieux c'est. Oh, je dirais rien contre ça. Stéphanie, c'est gagnant. C'est gagné. Gagné. Hein? C'est gagné d'avance. on commence l'émission avec des pièces que tu as choisies, que tu trouves... absolument excellente. Et on va commencer avec Metric, avec une pièce tirée de leur dernier album, Fantasies. On va aller écouter Sick Muse. Au 89 FM, c'est fou. Pull your little You could leave the light on if me demandais combien de temps, c'est 0 secondes, je dirais. Cool! Cool! Vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre Johnny Foreigner avec la pièce Our Bipolar Friends, et avant c'était Not a Love Song de Ah Ha Her. Effectivement, Pierre. Effectivement, Pierre. Donc, c'est le moment de parler de Spectacle. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, je vais commencer par les petits spectacles par-ci, par-là. Donc, 2 septembre, ce soir, Bravo Funken, qui était à Trois-Rivières la semaine passée. Eh bien, là, ils vont être au Divan Orange avec Polyp. Il y a le 4 et 5 septembre, M sur les quais. Il va avoir, entre autres, Class, qui est 2 membres de We Are Wolves, dont le chanteur et aussi le DJ Jordan Dare. C'est un peu dance, c'est un peu différent de We Are Wolves, très trash. Il y a aussi Elisapia Isaac, Le Matos, Le Roi Poisson, Métagruo, Monogrenade, Orange Orange, Patrick et les Brutes, Tricot Machine et Winter Gloves qui vont être à M sur les quais. Très cool. Mm-hmm. Et en plus, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment, vraiment hot. M sur les quais ou plutôt sur les quais. Hein? Ouais. Ensuite de ça, le 7 septembre, il va y avoir Ratatat au Métropolis. Le 8 septembre, Orange Orange qui va être à l'Université de Laval. Toujours la même date, le 8 septembre, Against Me qui va être à l'Olympia. Même date, Vampire Weekend et Beach House qui vont être au Métropolis. Et aussi, le 8 septembre, c'est le début de l'émission Voir. C'est pas un spectacle, mais fallait que je le mentionne. Deuxième saison. Oui, deuxième saison, j'ai bien hâte. Et bon, je voulais garder le meilleur pour la fin. On est rendu 4 et 5 septembre, en fin de semaine. Il y a le Festival de la musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Un festival vraiment, vraiment très cool que j'aurais vraiment voulu aller voir. Malheureusement, je peux pas y aller, mais je vous ai fait un petit itinéraire sur ce que moi, j'aimerais aller voir. Ta trail! Oui, exactement, ce que je ferais. Alors moi, ce soir, j'irai voir Pascal Picard Band à 19h30. Vendredi, 17h, Alex Nevsky. Je vais vous parler de Alex Nevsky tout à l'heure dans les albums. À 20h, We Are Wolves. Samedi, à midi, il y a Tricot Machine. Ensuite, à 17h, La Patère Rose. 20h, Carquois. Minuit, Parler. Et 2h du matin, Mister Valère. Ouch! C'est vraiment cool. Et finalement, dimanche, à 17h, Le Husky. Alors, c'est une trail suggérée. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez comme trail, mais vous devriez vraiment y aller. Sortez votre GPS. Et essayez de vous rendre en Abitibi, c'est loin, mais ça vaut la peine. C'est à quoi, 7 heures, j'entendais quelque chose? À peu près, ouais. 7-8 heures, dépendamment si t'arrêtes, tout le kit. Ça dépend du nombre de Tim Hortons où t'arrêtes, c'est ça? Ouais, exactement. C'est bon, ouais. C'est loin, mais bon, ça vaut la peine. Mm-hmm. On va entendre quelques pièces de ça? Oui, justement, on va aller écouter Parler pour commencer, suivi de We Are Wolves. C'est Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. FM? Je pense...

ist live, falls du es ein Pixar Ball an Different Space. And I know they don't owe me anything, not after what I've done. Assemblage requis. jupe est portée, disparue. Assemblage requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Et oui, on a un invité en studio, Dominique Hamelin. Bonjour. Ben oui, salut. Salut, salut. Dominique vient nous voir en studio parce que demain, il va courir pour la Société canadienne du cancer. Parle-nous-en de ça. Ben salut Steph, hey, ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup le 89 de me recevoir. Dans le fond, mon projet, c'est que j'avais une équipe de Rabaska. Et puis là, elle s'est dissoute. Fait que je me suis dit, bon ben je vais la courir à la place. Puis tant qu'à ça, on va faire ça pour une bonne cause. Fait que je suis avec la Société canadienne du cancer. Puis je pars demain matin de la TUC à midi du quai municipal. Puis on descend jusqu'à Grand-Anse, première journée. Grand-Anse à Saint-Roch de Mikinak, deuxième journée. Puis après ça, on va voir si on fait toutes les étapes de la classique là, comme les canaux le font finalement. Les canaux, ils descendent jusqu'à Trois-Rivières? Oui, de la TUC à Trois-Rivières en trois jours. Moi, je pars une journée d'avance pour me donner une chance un peu à mes pattes. Là, parce que j'ai quand même juste trois semaines d'entraînement puis pour arranger tout ça tout seul. Fait que ça fait de la job, mais non, on va être capable. Cool. Et c'est ça, t'as un camion qui te suit, un auto, peu importe? Oui, ben pour dans le fond, pour m'encourager, pour donner des sous à la Société du cancer, ben j'ai deux tirelures, une au Maïka Aventure puis une sur Sport Expert sur des récollets. Puis sinon, ben, je vais avoir des chums qui vont me suivre avec mon super sidekick blanc, stripé rose, avec mes ballons. Là, je viens d'aller chercher mes ballons au magasin. Puis on va être voyant sur la route. On va s'en aller un peu comme style Terry Fox avec l'auto qui suit en arrière. Puis on n'est pas pressé. Le monde peut donner. Puis on va avoir des tirelures là-dedans. Puis il n'y a pas de problème. Vraiment cool. Très cool. Très bien. Ouais. Yes. Alors, bonne chance, Doom. Ben, merci beaucoup. Puis allez l'encourager demain, midi, quai de la TUC. Sinon, essayez de vous rendre pour son retour à Saint-Roch. Sinon, il y a Facebook, Dominique Hamelin. On peut, il y a un événement, tout ça. On peut communiquer pour des dons et de l'encouragement. Yes! Donc, merci Dominique. Merci. Et là, on va aller écouter Coup à Mathieu. Une pièce de Taking Back Sunday. Oui. Que François-Olivier Marchand, ou comme on l'appelle dans le domaine, le directeur général. Vous voyez comment c'est strict ici. Il nous dit, joue cette pièce-là, on la joue, bâtard. Oui, c'est tiré de leur dernier album live à Orange Sands. C'était dans une vieille église gothique, si je ne me trompe pas, à New York. Ils ont décidé d'enregistrer un spectacle live acoustique. C'est vraiment très bon. Je viens de me procurer l'album. Faites de même. On va aller écouter Cute Without the E, en parenthèse, Cut from the Team. Et si vous aimez son choix musical à François-Olivier Marchand, là, ben vous écouterez l'émission Assemblage requis à partir de mardi prochain. Voilà, toi. On en reparlera tantôt. This is going to be our last song. It's called Key Without the E. Thank you guys for being here this evening. Cut from the Team. It's... Yo, hey. I would really highly encourage you to sing along to this because I was 18 when this was recorded. And, I'd even say maybe stand up. Yeah? Yeah, stand up. Yeah, quit being comfortable. Everybody up. Let's dance. Let's do this. Stand up. The song is called Key Without the E. Cut from the Team. What? Coward! will never tell me. I know you well enough to know you never loved me. Why can't I feel toujours Assemblage Requis. C'était Taking Back Sunday avec Cute Without the E de leur album Live, comme vous avez pu voir. Ce n'est pas une foule en délire dans le studio. Non. Mais non. Ça, c'est à partir de mardi. On sera tourné devant le public. Non, c'est pas vrai. Et c'est le temps de My Favorite Dish. Oui, la seule chronique qui va rester dans la même émission avec la même personne, tout au complet, tout, rien change. Non, rien change. Plat bon. Favori, mardi prochain. Ben oui. Je suis ton plat favori. Ah, Stéphanie Gagné qui nous présente ses coups de cœur artistiques, culturels, cinématographiques, musicaux, peu importe, c'est là. C'est là. Et j'ai souvent parlé de Matt & Kim, on en fait souvent jouer. Mm-hmm. Ils avaient sorti leur album Grand en 2009, groupe de Brooklyn, formé en 2004. Et ils avaient sorti un album Matt & Kim, 2006, Grand en 2009. Et on avait pu entendre la pièce que j'adore, Daylight, celle qui m'a fait connaître le groupe. On l'a entendu dans la bande-annonce du film Going the Distance. On voit souvent l'annonce ces temps-ci. Et bien là, le groupe va sortir un nouvel album le 2 novembre. J'en ai déjà parlé. L'album va s'appeler Sidewalks. Et le nouveau single est sorti. Ça s'appelle Cameras et c'est vraiment bon. C'est vraiment pas décevant. C'est super joyeux comme... ce que Matt & Kim fait habituellement, c'est vraiment le genre de chanson qui nous donne le goût de chanter à tue-tête, taper du pied, se balancer la tête, tout le kit. Ça reste en tête, mais on s'en plaint pas du tout. C'est vraiment super bon, j'ai hâte d'entendre l'album et j'ai aussi hâte d'entendre des chansons un petit peu plus rapides. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on va aller écouter Cameras de Matt & Kim. Assemblage requis! Oh, c'est cute! Je sais. Sun's going down, let's get together on the bridge. We'll meet up tonight. Black pants, red sweatshirt, and brown bags above the East River's northern lights. You see what I see? I'm falling in make believe. Watch the sunrise on the street. Ultimate. Vous écoutez toujours ton plat favori à Assemblage Requis et c'était la pièce Cameras de Matt & Kim. Comment l'as-tu trouvé, Mathieu? Super, hein? Très bon. C'est pas aussi accrocheur que Daylight, mais Daylight, c'est comme imbattable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Daylight, ouais. Non. T'as pas la barre trop haute, là. Hein? C'est ça. Mais c'est quand même super long. Voilà. Yes. Matt & Kim Cameras. Oui. Oui. C'est le moment de mon dessert préféré. Cool. Où je te renvoie la balle avec mon coup de cœur de la semaine. Bon, c'est un mélange de plusieurs choses. T'as sûrement vu, tout le monde l'a vu, la vidéo de CeeLo Green, Fuck You. Oui. Sur Internet. Fuck you. Les mots qui apparaissent. Fuck her too. C'est super, super bon. C'est bon, un gars qui se fait tromper. Genre, bon. Ben, on voit trois de ses peines d'amour selon différents âges. Voilà. Et tu connais peut-être The Storm, parce que j'en ai parlé dans une autre chronique, ton plat favori. C'était un gars qui refaisait des chansons de dessins animés. Tu comprenais rien parce que tu connaissais pas les dessins animés d'origine. Bon. Bref, ce gars-là, The Storm, ne fait pas que des parodies. Il ne fait pas que refaire des pièces de dessins animés. Il fait aussi des petites vidéos sur YouTube. Les gens lui lancent des défis les lundis et les vendredis sur youtube.com/user/TheStorm, D-E-Storm. Donc, une autre journée, un autre défi, comme il dit. Il est super drôle, le gars. Il est vraiment super, super drôle. Et puis, il a fait une parodie de CeeLo Green, Fuck You, excepté qu'il a appelé ça Block You. Et puis, je me suis dit qu'on pourrait peut-être en entendre un extrait tout de suite. Hein? Tu peux aller voir la vidéo si tu veux. That was amazing. C'est pas juste des mots, lui. I'd never be able to do that. Oh well, only one thing left to do. You suck. Monkey balls. I see you comment on my channel saying that I suck, so I just block you. And now your whole crew is hating on all my stuff, so I just block you. And I block them too. All the crime will get you. Chante vraiment bien, le gars. Là. Vraiment, ça ressemble vraiment à CeeLo Green. Quelqu'un qui l'écoute, qui écoute Assemblage Requis comme ça se dit, mais coudonc, qu'est-ce qu'ils font à jouer cette vidéo que je viens de voir sur Facebook envoyée par ma mère? Bref, c'est ça, c'est super cool. Le vidéo est enregistré devant un écran vert, donc on les voit physiquement, contrairement à l'original Fuck You, qui est seulement des mots qui défilent sur du fluorescent, genre. Donc, ils sont déguisés en genre d'habits rétro avec chapeau à plumes et grosses lunettes de soleil. C'est génial. Donc, allez voir le lien qui est sur assemblagerequis.com en ce moment même. Nous, on prend une petite pause et on revient tout à l'heure. Il va y avoir quoi, Stéphanie, dans l'émission? Il va y avoir les sorties d'albums de la semaine. Il va aussi avoir des petites nouvelles. Et de ton côté? De mon côté, je te laisse toute la place parce que c'est ta dernière. Ah! Et un petit peu par paresse parce que je suis en train de préparer la nouvelle version de l'émission. Ah, excuse-moi, j'aurais dû mettre la main du bas du micro, par exemple. Je pense qu'on l'a tout entendu. Ouais, c'est ça. Venez nous voir. C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. 89. Bon, retour à vous, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Puis vous autres, ben, vous êtes les requins. Oui. Fait que, deal with it. Hein? Yes, début de la deuxième heure d'Assemblage Requis, 2 de 3. Oui, 2 de 3 pour le reste de l'été, c'est-à-dire jusqu'à dans 2 heures. Exactement. Dernière émission de l'édition estivale. Mais c'est pas grave, mardi prochain, ça recommence. C'est ça. On a dit qu'on parlait pas trop de la version automnale avant que tu t'en ailles. On fera ça à la fin de l'émission, OK? Ouais, on se gardera un petit moment. On tord le torchon. Ben, on presse le citron. On écoute Franz Ferdinand. Oui, c'est ça. Et puis après ça, ben peut-être, si vous êtes chanceux d'ici la fin, des faits divers. Peut-être. je vais amener quand même un petit peu de contenu moi-même. Je vais te laisser tout faire. Là, hein, c'est du contenu, ça, des fêtes d'hiver? Bof. Bof. Well, I sit in here, sound of my footsteps, and a voice say, hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Jacques Maure et Biscuit Chinois, assemblage requis, émission estivale en pièces détachées sur les ondes de C'est fou, 89 FM. C'est officiel, hein? C'était vraiment très pas Mathieu. Ben non. Non, vraiment pas. Tu dis que je suis jamais sérieux, c'est ça? Tout à fait. Tu m'énerves, hein? Tu m'énerves. Oh oui, commence pas avec moi, par exemple, parce que si tu fais ça, ça va vraiment pas bien aller. Bref, j'ai des petites nouvelles. Comme d'habitude, j'en ai un peu moins que la semaine passée. C'est passé un peu moins de choses. T'as pas la petite frange? Tu manques une petite frange. Pourquoi? À la Kate Moss. À... Référence que seulement les gens qui ont entendu la pièce sur les ondes d'une autre radio peuvent comprendre. Tout à fait. Vas-y. Alors, j'ai parlé de Où est le swimming pool la semaine passée. Le band que quelqu'un est mort. Eh bien, finalement, ils ont décidé de quand même sortir leur album, mais ils vont changer le titre. Le titre de l'album était Christ Died for Our Sins. Ah. Donc, mourir dans le titre. Ils ont décidé de changer ça pour The Golden Year. Ça sort le 3 octobre au Royaume-Uni, donc probablement le 4 octobre ici. Ensuite de ça, Broken Bells, j'avais parlé du vidéoclip interactif. Mm-hmm. Ça fait 2 semaines, je pense. C'était ma réponse à CNX. Eh bien, maintenant, c'est au tour d'Arcade Fire d'utiliser le vidéoclip interactif pour la pièce We Used to Wait de leur dernier album The Suburbs. Et c'est vraiment encore plus cool que celui de Broken Bells. Au début, ils te demandent d'entrer ton adresse, où est-ce que tu as grandi. Et je vous le dis tout de suite, il faut que vous downloadez Google Chrome pour que ça fonctionne bien et que votre ordi soit vraiment hot. Parce que moi, mon ordi lag beaucoup. Et j'avais beaucoup de choses d'ouvertes, alors ça a plus ou moins marché, mais c'était quand même vraiment cool. À part ça, il est à vendre, son ordi. Si ça vous intéresse. Si jamais ça vous intéresse, un ordi qui marche à peine. Ouais. Bref, il y a tout plein de fenêtres qui s'ouvrent. Là, tu vois un petit gars se promener dans la rue. Et là, tu te rends compte que finalement, il se promène dans ton quartier. Ça va être écrit genre sur la pancarte de quelque chose, hein? Non, mais tu vois vraiment, tu vois, mettons, sur Google Maps, là, tu vois de haut, tu vois ton quartier. Puis là, ça, c'est sur une fenêtre. Puis dans une autre fenêtre, tu vois courir. Dans une autre fenêtre, tu vois des oiseaux qui s'en viennent. Puis là, après ça, les oiseaux changent de place. Puis là, toutes les fenêtres changent de place tout le temps. Ça se fait tout seul. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Malade. Associé à Google, c'est vraiment cool. Vous pouvez l'essayer sur thewildernessdowntown.com. C'est sur la page d'assemblage requis. Et finalement, il y a aussi un nouveau vidéoclip pour la mannequin et étonnamment très talentueuse chanteuse Karen Nelson, qui est aussi la femme de Jack White. Le vidéoclip, c'est pour la pièce The Truth Is in the Dirt, tirée de son album The Ghost That Walks. Vous pouvez voir ça sur somekindofawesome.com. Et avant d'aller écouter la pièce, j'ai une dernière petite nouvelle, mais c'est pas vraiment une nouvelle, mais j'ai trouvé ça cool. Comment est-ce que t'aimes ça, Mathieu, apprendre quelque chose avant tout le monde? Connaître quelque chose avant tout le monde. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 10. Eh bien, cette semaine, hier en fait, le site recordlabel.com a annoncé la chanson Heart Believer de First Aid Kit. Wow, crémeuse. Wow, c'est bon, hey. First Aid Kit. Moi, j'étais comme Knew it. Eh bien, c'est fou, on est à l'avance de tout le monde. Ben, c'est un peu, c'est pas le slogan, mais ça pourrait l'être. Hein? C'est ça. Alors, watch out tout le monde. Dans à peu près 6 mois, tout le monde va capoter sur la pièce The Truth Is in the Dirt. De Karen Nelson. Ouais, oui. C'est clair. Et on l'écoute à l'instant à Assemblage requis. In the dirt on the ground, not in truth is in the dirt on the ground. The truth is in the dirt on the ground. Not in your gilded cage with your rusted spoon. When the ground splits open, it will swallow you. We'll be right back. The New Pornographers et la pièce Your Hands Together à Assemblage Requis. L'émission estivale, Stéphanie, en pièce détachée. Oui, jusqu'à dans 1h36. On va le dire le plus possible. L'émission estivale en pièce détachée. L'émission estivale en pièce détachée. Pendant qu'on peut le dire, parce que dans pas long, ça va être l'émission automnale. Matinale. Oh, indice! Oh! On en parlera tantôt. Ouais, on n'arrête pas de dire ça qu'on va en parler tantôt. Est-ce qu'on va en parler tantôt? On va l'oublier. Si on a le temps et qu'on défonce pas dans l'émission d'après, tu sais. Ben, ça n'a pas l'air à se diriger vers ça, étonnamment. Non, parce qu'on n'a pas de contenu, c'est ça que tu veux dire? j'en amène tout de suite, voici la chronique C'est un fait. Je parle de contenu de moi, là. Toi, t'en as plein de contenu. Ouais, mais il est tout fait, mon contenu. Il reste quasiment plus de contenu. Bon, donc, étirons-le le plus possible. Voici la chronique C'est un fait sur des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3 V ou les dub. Les donc, premier fait. Oui. C'était obscène ou c'était obscène? C'était obscène. En tout cas. Donc, premier fait qui a rapport avec le film Édouard aux mains d'argent. Oui. On dit que Johnny Depp n'a dit que 169 mots dans le film au grand complet. Ce qui est plutôt incroyable parce qu'il jouait le rôle principal de Edward, le protagoniste, le personnage titre. Il a apparemment perdu 25 livres pour ce rôle-là. Et on dit qu'à cause qu'il portait un costume de cuir pendant le tournage du film, il a tombé dans les pommes quelquefois à cause de la chaleur. Chaud, chaleur. C'est pas plaisant porter du cuir. Est-ce que t'as déjà porté du cuir, Mathieu? Non, est-ce que tu peux m'imaginer avec du cuir? mauvaise image pour le reste de la journée, tu sais. Tout à fait. C'est ça. 169 mots, donc, Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. T'as sûrement eu peur, à un moment donné, tu sais, de te faire piquer par un moustique, et puis là, à un moment donné, tu te dis, crime, il va pouvoir enlever tout le sang de mon corps et je vais mourir. Peut-être pas tout le sang de mon corps et mourir, là, mais... Bon, ben, n'aie plus peur quand même, parce que ça prendrait 1 200 000 moustiques pour enlever le sang de tout ton corps en moyenne, on dit, le sang en moyenne dans un corps humain. On dit aussi qu'il y a 2500 variétés différentes de moustiques. J'imagine qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, hein? Donc, c'est un petit peu redondant, mais quand même. 2500, donc, variétés différentes de moustiques, dont plusieurs qui vivent. Le mot en anglais, Livre. Du McDo. Bon, donc, ils vivent dans la toundra arctique. On dit aussi que les moustiques masculins, donc les mâles, sont végétariens. C'est les femelles qui sucent le sang pour la protéine du sang, pour produire des œufs aussi. Il y a aussi un signal chimique qui empêche les moustiques de se nourrir lorsqu'ils sont pleins, remplis, donc qu'ils ont tout ce qu'il faut, hein, c'est ça. Les scientifiques peuvent désactiver ce signal-là dans un laboratoire, ce qui va faire que les moustiques vont sucer jusqu'à ce qu'elles explosent. Toi. Ça, c'est beau, hein? Ouais. C'est ça. Presque aussi beau que moi en cuir. Yeah. les humains ont le pénis le plus large de tous les primates. Ça s'applique non seulement à la longueur, mais aussi à la largeur. Donc, la largeur et la longueur du pénis. Hein? Étrangement, malgré le fait qu'on ait les plus gros primates, les gorilles sont ceux qui sont les moins bien membrés, si on veut. Bien, hein? Les gorilles. Cool. Malgré qu'eux soient les plus gros. Voilà. Le mot « set » en anglais, S-E-T, c'est le mot qui a le plus de définitions dans le dictionnaire, dans la langue anglaise. Il a 464 définitions, le mot « set », S-E-T. 464 définitions. Ouais. Il y a aussi beaucoup plus de définitions que la deuxième position, qui est le mot « run ». Il y a 396 définitions différentes. Le reste du top 5, « go » avec 368, « take » avec 343 définitions et « stand » avec 334. Donc, c'est quoi les mots 7? Ça pourrait être, bon, préparer, quelque chose du genre. Run, courir. Go, aller. Take, prendre. Et stand, se tenir debout, quoi. Genre. Oui. C'est pas mal les premières définitions que les gens penseraient. Il y en a plein d'autres. Oui. Un stand. Oui, un stand, un kiosque. Ben oui, tout à fait. Un stand, comme s'il faut avoir mardi le 7 septembre, ici même, à UQTR sous le chapiteau. stand up for what you believe in. Et voilà, on pourrait continuer comme ça pendant super longtemps, ça serait super plate. Ouais. C'est cool. savais-tu que le gaz naturel n'a pas d'odeur comme on le connaît? En tout cas, il n'a pas une odeur aussi détestable que ça. Le gaz naturel, donc, souvent utilisé pour l'essence, qui est composé principalement de méthane, voilà, qui est presque sans odeur, nous dit l'article. Un tout petit peu de parfum, ils appellent ça du T-butyl mercaptane ou encore du theopane, sont ajoutés pour la sécurité, dans le fond, pour des mesures de sécurité. Ces parfums-là donnent une odeur distincte et déplaisante, ce qui fait que tu peux détecter quand il y a des fuites de gaz. Bon, fuites de gaz. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu sur un zip, une fermeture éclair, les initiales YKK. Oui. C'était déjà arrivé pour vrai? Oui, oui. Ça veut dire Yoshida Kogiyo Kabushibi Baisha. Hein? Ils ont leur quartier généraux au Japon. La corporation YKK est le plus grand manufacturier de zippers, si on veut, dans le monde. Oui, quand tu regardes la plupart des zips, c'est ça qui est écrit dessus. Vous avez jamais remarqué, tu vois? Bizarre, hein? Mais je pense que j'avais déjà lu ça quelque part. Ouais. T'es donc ben bonne, Stéphanie Gagné. Hein? Savais-tu que 17% des adultes américains croient que la marijuana fait plus de mal en tant que drogue que l'alcool? Il y a aussi 24% des adultes qui croient que ça cause plus de mal, dans le fond, que le tabac. Et 42% croient que la marijuana devrait rester une drogue illégale. Je pense que Mathieu est en train de nous pousser vers la drogue. Ben, c'est ça. C'est pas bien. C'est pas correct du tout, ça. On va continuer avec d'autres faits divers tout à l'heure. J'ai envie de prendre une pause musicale, pourquoi pas, entendre un petit peu de The Stills. Oui, The Stills. Avec la pièce, quelle pièce? Snake Charming the Masses. C'est ça que tu veux savoir? Oui! Assemblage Rookie au 89.5. C'était Snake Charming Masses de The Stills. J'adore cette chanson-là. Ben oui. Les drums, là. C'est excellent comme imitation, sérieux. C'est, c'est pareil. Attends un peu, attends. Moi, j'en ai une bonne chanson. Attention, je vais chanter, là. Ça... Attention. Rassemble qui pour toi aujourd'hui. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. C'est fou ça, hein? C'est fou ça, hein? C'est fou ça. 89.1 FM. Vous écoutez Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Et oui, c'est toujours l'émission estivale en pièces détachées jusqu'à dans à peu près 1h20. À peu près. Environ. Toujours c'est Fanny Gagné, Mathieu. Et oui, ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est que tantôt, on est en train de parler de faits. Et là, on est encore en train de parler de faits. C'est ça. Fait que recontinuons ça avec une très bonne nouvelle, je trouve. Une très, très bonne nouvelle. On nous dit que les mots moron, imbécile et idiot ont déjà été des termes médicaux. Non, c'est vrai, je savais pas. Non, c'est absolument vrai. C'est des mots qui étaient utilisés dans le bon vieux temps pour décrire une personne qui avait un quotient intellectuel en bas de 70. Donc, plus spécifiquement, ceux qui avaient un quotient entre 0 et 25 étaient des idiots, médicalement. Entre 26 et 50, c'était des imbéciles. Et entre 51 et 70, c'était des morons. Évidemment, ça n'a pas pris trop de temps avant que ces mots-là deviennent utilisés comme insultes, à tort et à travers. Donc, ils ont remplacé ces mots-là par « retarded », »,« retardé ». Qui, dans le fond, a des racines latines qui veulent dire, de façon très innocente, là, rendre lent. Donc, l'histoire s'est répétée après ça. Le retarded est devenu un mot qui était utilisé à tort et à travers comme insulte. Puis à cette heure, on peut pas dire retardé non plus. Hein. C'est, c'est pas correct. Je me rappelle plus c'est quoi la nouvelle. Mentally challenged, genre, je sais pas. Non, mais ça ressemble à ça. En tout cas. Bref, les expressions qui changent de définition avec le temps. Un Américain sur cinq croit aux enlèvements par des extraterrestres. On dit que les hommes ont plus de chances de croire aux enlèvements par extraterrestres que les femmes. Un Américain sur sept dit qu'ils ont été ou qu'ils connaissent quelqu'un qui a déjà eu une rencontre avec un vaisseau extraterrestre, un OVNI. Bon. En fait, il y a 70 000 personnes qui disent avoir vu des OVNI par année. C'est énorme! C'est vraiment beaucoup. Est-ce que c'est juste aux États-Unis, ça? Bonne question. Oui, c'est-à-dire Américain. Aïe, aïe. Ouais. Imaginez donc. Hein. Le record pour avoir réussi à tordre des ballons pour fabriquer un chien. Le record est de 6,5 secondes. C'est John Cassidy de Montclair en Pennsylvanie qui a accompli ça au Balloon Saloon. C'est un magasin de New York City le 28 mars en 2006. Cassidy a le record Guinness pour le plus de sculptures en ballons complétées à l'intérieur d'une heure. 747 construction à partir de ballons. Incroyable. Vous pouvez voir une vidéo de John Cassidy en pleine action sur assemblagerequis.com dans l'article que j'ai posté. Mm-hmm. Dans la culture de l'Ouest, la culture de notre partie du monde, pas l'Est, ouais. L'Ouest. Bon. Le rose a déjà été la couleur qui est associée aux hommes. C'est vrai. La tradition de donner des couleurs à chaque genre, donc homme, femme, a commencé dans les années 20. Nous dit l'article sur Internet. Hein? À ce moment-là, le rose était une couleur plus appropriée pour les garçons à cause disons que c'est proche du rouge. Le bleu était désigné pour les femmes, les filles, parce que c'était plus délicat, c'était plus féminin, et c'était plus proche de l'image de la Vierge Marie. À ce moment-là. Ben. La pratique a continué jusque dans les années 40, et là, les couleurs ont été renversées. C'est devenu le stéréotype qu'on connaît aujourd'hui, rose pour les filles et bleu pour les garçons. On dit que 20% des Américains croient que gagner la loterie est la façon la plus pratique de gagner des milliers, de recevoir, donc d'acquérir des milliers de dollars. Hein? Mais en fait, t'as plus de chances de te faire frapper par l'éclair, comme on sait. Hein? Quand même. Donc, 20% des Américains croient ça. 20% des Américains croient que le soleil tourne autour de la Terre. Et 20% ne savaient pas que les États-Unis avaient gagné leur indépendance de la Grande-Bretagne. Savais-tu que Katy Perry, au début, était une artiste de Christian rock, du rock chrétien, et son nom était Katie Hudson? Oui. Tu savais ça? Moi, je l'avais déjà vu, moi aussi. Ça, même. Ouais. Son premier album était donc aussi nommé Katie Hudson. Quand elle a sauté du Christian rock au mainstream pop, Katie a décidé de changer son nom à cause de Kate Hudson, l'actrice. C'est un petit peu trop proche de Kate Hudson. Donc, elle a pris le nom de famille de sa mère, Perry. Quand même. Pas si bien. On s'ennuie du Christian rock, je suis certaine. Ben ouais, c'est ça, c'est sûr. Les chiens et les chats vont consommer plus de 17 milliards de dollars de nourriture pour animaux de compagnie par année. Ça me donne le goût de mettre mon chat dehors. Ça. C'est ça. Ça inclut 1,98 milliard de dollars pour les petites gâteries pour chiens, les petites nanennes. Les chances qu'une météore atterrisse sur ta maison sont de 1 sur 182,138,880,000,000. Et là, j'ai regardé 10 à la 12. Ça donne 1 trillion selon l'échelle courte et 1 billion selon l'échelle longue. Parce qu'il y a deux façons en français de dire les chiffres à partir de... Il y en a qui finissent tout par ion, donc c'est qui alterne entre ion et iar dans la langue française. En tout cas, c'est bien compliqué. Il y a une page sur Wikipédia juste pour expliquer ça. C'est du fun, hein? C'est vrai. Cherchez échelle longue et courte sur Wikipédia. Il y a toute l'explication de comment qu'on dit les affaires en français par rapport à l'anglais. C'est tellement plat. Ça n'a pas de sens. Donc, vos chances de devenir président des États-Unis, de sortir avec une top modèle, d'attraper la maladie de la vache folle, toutes ces choses-là ont de meilleures chances d'arriver que votre maison se fasse frapper par une météore. Quand même bien, hein? Oui. Il dit que t'as aussi plus de chances de voir un ovni, hein? Ou encore de mourir d'une attaque de requin, ou encore de mourir à cause d'un contact avec de l'eau trop chaude. Tu sais? Ah, vivement l'Internet, j'adore ça. Et on va terminer avec mon dernier petit fait aujourd'hui, et le dernier des chroniques avec beaucoup trop de faits pendant beaucoup trop longtemps sur une période de comme... trop, là. Enfin. Bref, le dernier, c'est que la longueur de ton pied est la même que la longueur de ton avant-bras. Oui. Tu savais ça aussi? Oui. Tu savais bien des choses, toi? Tu laissais remettre ton pied sur ton avant-bras, entre le poignet... J'avais déjà fait au secondaire, tu sais, quand on devient fan de tout ce qui est... du corps, de ce qui est longueur de différentes choses, tu sais. Non! Par rapport à tes pieds, hein, c'est ça? Non, la symétrie puis tout ça, j'ai déjà lu... j'ai déjà entendu parler d'un livre qui parlait de toute la symétrie dans la nature et le corps humain. Ouais. Et savais-tu que l'étude des ratios, donc des comparaisons entre différentes parties du corps, s'appelle l'anthropométrie? Ça, tu savais de ça? Non! Bon, mais calme! Enfin, quelque chose que je savais pas. Calme! Ben, c'est tout pour cet unfait. Fait que les prochaines seront plus courtes. Parce qu'il va en avoir une par jour, peut-être. On verra. Une par jour? J'aimerais ça. Oh. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ouais. The Blue Van. Mm-hmm. Be home soon. OK. When night takes over in the afternoon, one thing keeps me staring at the moon. It's smile tells me that I will be home soon. Stay up. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky avec Mathieu et Stéphanie, l'édition estivale. Oui. Ouais. Ou encore... Vous comprendrez la référence mardi matin. Hein? Hein? Il pleut dehors. Ouais. C'est mais même pas estival. J'essaie de donner des indices au monde, par exemple. Full triste. C'était « Be Home Soon » de The Blue Van. Ouais. Et là, pour la rentrée, il y a un groupe qui va être ici, mm-hmm. que j'aime bien, Mister Valeur. Oui. Donc Mister. Mister. T-U-R. Mister. Mister. Mm. Oui. Fait qu'on a décidé de faire un doublé. Hey, un coup double. Badaboum, badabing. Chabadou, chabadou. Deux fois, deux pièces. Vous allez voir, c'est assez différent quand on écoute une chanson, une à la suite de l'autre, de deux différents albums. Friday Night, procurez-vous l'album. Très, très bon. On peut comparer. C'est comme un pied sur un avant-bras. Ou d'autres choses, aussi sur un avant-bras. Dépendant de ce que tu veux comparer comme grandeur. On écoute-tu Mister Valère? Oui. Okay. On commence avec une pièce de leur album Friday Night. Oui, c'est la pièce SP for Lovers. Et après ça, Mojo Ego de Golden Bombay. Assemblage Rocky! fait dodo, il est assez reposé. Bats-toi contre les mots dans ton écho pour qu'il cesse de te tourmenter. Libère ton héros qui fait dodo. Golden Bombay de Mister Valet. Ouais, c'était la pièce Mojo Ego. Ouais. Fin de la deuxième heure. C'était un coup d'eau en passant, juste pour vous dire qu'il y avait deux fois. Oui, deux fois. Deux fois. On aime ça. Deux fois. Avec un petit espace entre les deux. Parce que deux fois. Quand avec le. Dans le. Fin de la deuxième heure. Fin de la deuxième heure d'Assemblage Rocky. Il y en a une troisième qui s'en vient, n'est-ce pas, Stéphanie? Oui, absolument. Il va rester de parler des albums de cette semaine. Il y avait The Weepies, 12 hommes rapaillés. Il y a Winter Gloves, qu'on peut écouter leur album, même s'il sort juste la semaine prochaine. Alex Nevsky, plein de bons stuff. Oui, et on va faire un petit bloc palmarès et fou tantôt avec quelques-unes des nouvelles entrées du palmarès qui va débuter avec sa nouvelle saison. Jeudi prochain, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Alors, restez avec nous pour la troisième heure. C'est la troisième heure d'Assemblage Rocky, votre émission estivale en pièces détachées. Yes, il est Mathieu Plante, je suis Stéphanie Gagné. Et vous êtes les requins. Oui. Chacun son rôle, vous êtes les petits requins avec vos petites dents, les petites dents qui font... Je sais que vous êtes tanné d'entendre Mathieu dire ça, mais c'est pas grave, on va le laisser s'amuser avec... Mais c'est pas fini ça, c'est pas fini, pas encore. Donc, dans cette troisième heure, il va y avoir plein de super bonnes choses, dont tout à l'heure... Les albums? Les albums, mais avant ça, voici le bloc Les Palmarès, c'est fou! Boom, boom, hey, hey. Et oui, à chaque semaine, ici, dans l'Assemblage Requis, on vous présente les nouvelles entrées du palmarès de C'est fou. Et là, ben, on était en congé d'un mois en tant que palmarès, le format... toutes les chansons, le top 20 là, francophone anglophone, là, c'était en congé. Ouais. Donc là, c'est de retour pour la semaine du 23 août au 5 septembre. Et par le fait même, l'émission Les Palmarès C'est fou va être de retour. Là, on peut en parler parce qu'on est rendu en troisième. Fait que je me dis, on peut en parler. C'est là. La fin est proche. Là. C'est ça. Tant qu'à faire un bloc palmarès, pourquoi pas parler des palmarès à l'automne. Ils vont avoir lieu les jeudis en direct entre 14h et 17h. Et en rappel, les vendredis entre 17h et 20h. Donc, tu vas être là. Et tu vas être là. Annonçons-le, nous allons continuer d'animer le jeudi après-midi ensemble. Oui, donc pas beaucoup de changements, c'est juste que ça va être les palmarès au lieu d'être Assemblage Requis. Et voilà, et lui, Assemblage Requis, là, lui, on n'en parle pas tout de suite, par exemple. Non, on va attendre un peu. En fait, on étire la sauce vraiment beaucoup, je trouve. Vraiment, hein? Tout c'est le monde s'en fout, finalement, tellement qu'on en a parlé pendant des années. Hein? On dirait depuis l'automne passé qu'on en parle. Bref, nouvelles entrées, il y en a quand même 5 dans les palmarès cette semaine, mais on va s'en garder quelques-uns pour plus tard parce que tu vas en parler dans ta chronique album. Oui, il y a deux des nouvelles entrées qui sont dans ma chronique des nouveaux albums. Et les trois autres? Ben, en fait, on va en écouter deux de ces trois-là. On va écouter le côté francophone. Il nous reste Radio Radio avec Enfant Spécial qui fait son entrée en 19e place de l'album Belmundo Regal. Mais on va débuter avec La Pâte à Rose qui entre en 18e. Voici Chocolove. Oh, je l'aime tellement! Oh, c'est beau, c'est cute. Ça vient de leur maxi Waikiki. Et c'est tout de suite. Ta prescription pleine de Ritalin, allogène ou concert. Oh, when ma mère trouve je suis cute, elle m'aimera mieux si je ferai mute. Au lieu de mutiler des mots, oui, je pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est même la terre nous a fait. So why no word, c'est ça que je t'invite. C'était Radio Radio avec la pièce Enfant, Enfant spécial de l'album Belmundo Regal. Et ça, c'est la position numéro 19 du palmarès francophone cette semaine. Et avant ça, c'était la pâte à rose en 18e avec Choco Love. Oui, c'était dans ce beau petit bloc des palmarès C'est fou à l'intérieur d'Assemblage Requis. D'ailleurs, les palmarès C'est fou, petit, je dirais, message d'intérêt public. On va être de retour en ondes. J'essaie de faire du suspense. Ouais. Je vois ça. Et d'ailleurs, petit agace juste pour vous autres, les amis. Les palmarès C'est fou sont enfin de retour. Chaque semaine, Mathieu Plante et Stéphanie Gagné vous présentent les 40 pièces francophones et anglophones les plus appréciées des animateurs de C'est fou. Les palmarès C'est fou, en direct les jeudis de 14h à 17h. On rappelle les vendredis à 17h. Dès le 9 septembre. Hein, c'était un bel agace? Hein, c'était très cool. Ah oui. Je l'avais jamais entendu, je suis toute heureuse. Oui. Très cool. Ouais. Fait que là, c'est fini pour la portion palmarès, mais on va entendre des choses qui sont aussi dans les palmarès, mais c'est pas pour ça qu'on les fait jouer, c'est parce que on parle de nouveaux albums. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par celle que j'ai le moins de choses à dire, tu sais. Sûr. Ça, j'aime bien ça, des phrases comme ça. Il y a The Weepies qui ont sorti un nouvel album, Be My Thrill. C'est un couple, un duo pop-folk assez ordinaire, mais bon, c'est super joyeux, ça réchauffe le cœur, c'est tout heureux, amoureux. Plein d'espoir, des petits papillons, tout le kit, là. Arc-en-ciel. Ouais, fait qu'on passe à autre chose. Ensuite, il y a 12 hommes rapaillés, chante Gaston Miron, volume 2. Ça fait 2 ans que le volume 1 est sorti. C'était sorti en novembre 2008, si je me trompe pas. Et c'est toujours réalisation de Louis-Jean Cormier de Carquois. Et dans le fond, c'est qu'après leur invitation au Franco l'été dernier, il y avait juste 12 chansons. Fait qu'ils se disaient, bon, c'est pas assez pour faire un spectacle avec ça. Donc, ils ont décidé d'en faire plus. Ils ont fait 7 autres chansons. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas faire un volume 2? Il nous en manque juste 5. Donc, ils ont fait 5 autres chansons pour compléter le deuxième album avec, entre autres, Yann Perrault, Vincent Vallière et, bien sûr, Louis-Jean Cormier de Carquois. Donc, assez intéressant, assez cool. Pour celles qui m'intéressent vraiment plus, il y a Winter Gloves. Ça faisait longtemps qu'on en parlait de Winter Gloves. Ben oui. Avec nouvel album All Red. Par contre, il n'est pas sorti cette semaine, mais je me suis dit, ah, sa dernière mission d'assemblage requis. Fait que je vais en parler. De toute façon, vous pouvez l'écouter sur exclaim.ca. Vous pouvez écouter l'album au complet. Ça prend pas beaucoup de temps, juste pour vous dire de l'écouter au complet. T'sais. Non, il est vraiment court. 27 minutes! Ouais, moi aussi, j'ai vraiment fait le saut. Ouais. C'est vraiment pas long. J'ai regardé mon iTunes. Oh, je l'avais déjà écouté 3 fois. Ça m'en rend compte. OK. Alors, c'est ça. C'est vraiment du vrai pop accrocheur, synthétiseur à fond. Il y a une couple de chansons qui sonnent super rétro, mais bon, anyway, tu sais comment j'aime ça, moi, le rétro. Puis... quand ça fait très années 80, donc j'ai adoré. Il y a Winnie New Transportation qui ressemble un petit peu à Let Me Drive, qui était une chanson que j'avais vraiment adorée, qui était dans une publicité à Musique Plus. Il y a Plastic Slides aussi, le single de l'album, qui est super bon. On peut entendre une version acoustique de cette pièce-là sur la Blogothèque, qui était le groupe qui était sur le site de La Ronde. J'ai mis le lien sur Assemblage Requis, donc vous pouvez aller voir ça. Et on va écouter la pièce justement, Plastic Slides, à l'instant. Bon, OK, d'abord. On va parler d'Alex Nevsky tout à l'heure. Toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre Plastic Slides du nouvel album de Winter Gloves All Red que vous allez pouvoir vous procurer mardi prochain. Et pour l'instant, un autre album qui est sorti pour de vrai, pas comme Winter Gloves, c'est Alex Nevsky avec son album de Lune à l'aube. C'était le médaillé d'argent des Francouvertes, ce qui est arrivé derrière Bernard Adamus. Son album, j'ai été l'écouter aujourd'hui au complet. C'est vraiment, il y a vraiment deux facettes assez évidentes sur son album. Il y a des airs hyper pop romantique, naïf, tout le kit, super bonbon. Et d'un autre côté, il y a des chansons hyper sombres. Moi, j'ai vraiment pas aimé le côté rose bonbon. Ça faisait un peu quétaine, un peu déjà vu francophone. Donc, ça va jouer beaucoup ailleurs, c'est ça? Probablement. Et, mais pourtant, j'ai vraiment, vraiment aimé les chansons un peu plus dark. J'ai adoré les chansons comme Tristessa, Sous les stroboscopes et I'm Sticking With You. Par exemple, si vous achetez l'album, regardez bien sur l'album, il y a une erreur. I'm Sticking With You. Et c'est quoi la pièce après I'm Sticking With You? L'hiver. L'hiver, oui, c'est ça. Les deux sont inversés. Donc, la 10 devrait être la 11 et la 11 la 10. Exactement. Ils se sont trompés sur l'album. Ouch. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Fait que au début, j'étais comme, hein, la toune, l'hiver a l'air le fun. Puis ça n'arrête pas de dire sticky. Puis là, j'étais comme, là, j'arrive à la prochaine chanson. Là, ça dit l'hiver dans le pied. J'étais comme, OK, non, je vais retourner à l'autre d'avant. Puis là, j'entends I'm Sticking With You dans la chanson. Fait que je mets ça. Ils se sont trompés. Vraiment décevant. Mais bon, c'est ça. Quand même, pas si pire comme album, dépendamment de ce que vous aimez. Ça a été réalisé par Yann Perrault. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans à l'École nationale de la chanson de Granby. Il y a un excellent pad, je trouve. Ouais, il y a vraiment une belle coupe de cheveux, Longueuil, bouclé. Chic. Ça revient à mode, hein? Ben oui, hein? Ben oui, Kiwan avait un petit pad. Ben oui. Il y a un de mes amis qui en a un aussi. C'est pas chic. Mm-hmm. Non, pas trop. C'est pas, t'as dit c'est pas chic. OK. Bref, on va aller écouter une pièce. Moi, j'aimerais entendre dessus les stroboscopes. D'accord. D'accord. Ce que femme veut. Elle l'a. C'est ça la phrase? C'est quoi la phrase? C'est juste ce que femme veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ou Mathieu le fait. Mathieu le fait. Ça, j'aime mieux ça, Mathieu le fait. Ce que femme veut, Dieu le fait. Mathieu le fait. Mathieu. What? Sous les stroboscopes d'Alex Nevsky. Assemblage Rocky. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimant sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeant sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli danse sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Down sous les stroboscopes. Black, white, black, white, black, white, black, white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the by the facts. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies down sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. Je l'aime vraiment, la chanson. Oui. Elle est vraiment bonne. Le rap dessus. Rap, oui. Je viens de catcher que c'est Fab de Random Recipe. Random Recipe qui, en passant, ont le lancement de Fold It, Mold It le 23 septembre. Fold It, Mold It. Oui, c'est le nom de leur nouvel album. Plie-le, puis moule-le. Exactement. Plie-le, moule-le. Lancement le 23 septembre. Hein? Il y a un truc sur Facebook, vous pouvez RSVP. Moi, j'hésite encore, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Fais un maybe, tout le monde fait maybe, puis se pointe pas. C'est vrai. Ou même quand ils font attending, ils vont pas. Hein. Ouais, exactement. Ah, en tout cas. Mais c'est ça, Random Recipe, très cool, je suis contente. Puis c'est ça, Alex Nevsky. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Veux-tu un autre puis c'est ça avec ça? La prochaine chanson que je vais faire écouter, aucun rapport avec les albums, album fini, over. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Mais cette semaine, j'étais au cinéma, j'ai été voir le film Les Preneurs en français. The Takers. Vraiment mauvais comme traduction en français, les paroles. Là, okay. Le titre est pas si pire, Les Preneurs, c'est ça? Non, c'est vraiment exactement ça, là, Les Preneurs, The Takers. Mais non, sérieusement, là, est-ce que tu connais le rappeur T.I.? J'imagine que c'est un rappeur. Oui, en tout cas, il joue là-dedans, mais sa voix est tellement pathétique en français quand tu sais c'est quoi sa voix en anglais. Mais bref, c'est pas ça le but. C'est que la musique dans le film était quand même vraiment bonne. Puis à la fin, quand que le film est fini, c'est Kazabian qui jouait. Oh. J'ai fait « Ah! Kazabian! » C'est bon, on va faire jouer ça. Et c'était la pièce Underdog. Tout de suite. Tout de suite. Muy bien. Hein? Quand c'est bon, tu sais, quelque chose de genre. Alors, on écoute Underdog, Assemblage Ricky. En espagnol, c'est ça? Pas grave de parler espagnol. Bon, c'est fou, 89.1. FM. Ocho nueve uno, esta loca. FM. Esta loca. Kazarian avec Underdog. Restez à l'écoute parce que juste après la pause, on fait un survol de notre traité musical L'Assemblage requis et les plans pour l'émission cet automne. Restez avec nous. Cap 89. As-tu écouté ça? Le temps des plaisirs est fini. Et après ça, le plaisir recommence. C'est comme s'il avait écrit ça juste pour nous. Oh. Je sais. Vous écoutez Assemblage requis. C'est la dernière de l'édition estivale Assemblage requis pour cet été. Ça veut comme un petit peu dire la même chose, mais quand même. Ouais. Pour mieux repartir cet automne. Oui, absolument. Comme on a dit tout à l'heure, il va y avoir les palmarès qu'on va animer ensemble. Jeudi, 14h. On rappelle vendredi 17h. Et puis Assemblage requis va être diffusé aussi, mais ça, c'est dans 15 minutes à peu près qu'on va parler. Oui, pour l'instant, on va vous présenter trois chansons qui ont marqué notre été mm-hmm. et qu'on a fait jouer sans cesse. Mm-hmm. On va écouter Hot Hot Heat, mais on va commencer par... Évidemment. Évidemment. Quand on dit Stéphanie Gagné, on dit par le fait même Tegan et Sarah. C'est comme à chaque fois que je dis Stéphanie Gagné, il y a comme une choriste en arrière, fait comme Tegan et Sarah. Stéphanie Gagné, Tegan et Sarah. Absolument. Ouais. Et on va aller écouter la meilleure de Sainte-Hood, The Ocean. Sur la Jockey, sur C'est Fou. Stop crying over me. Stop. few. They're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a life together. How you look and how you feel. They're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a Send Love de OK Go dans Assemblage Rocky. C'est notre petit survol de l'été, de ce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment adoré, tu trouves? Oui, avant c'était YVR, excellente pièce de Hot Hot Heat de leur dernier album Future Breeds. Mm-hmm. Très, très bon. Ouais. On a débuté avec Tegan and Sarah et The Ocean. Ah, oh, bien sûr. Wow, excellent bloc. On est à quelques minutes à peine de la grande révélation.

Hockey avec Song Away à Assemblage Requis. Et là, c'est vrai. Ben oui. C'est ça. Là, c'est le moment un petit peu, comment dire, émotionnel, émouvant. Émotif, peut-être. Émotif. Émotif. Émotionnel. Émotif. Émotif. Leçon de français ici, tout à fait. Émotif. Oui, c'est la fin de l'édition estivale ou presque. Il nous reste encore un petit peu de temps, mais c'est le moment d'annoncer ce qui se passe cet automne. Il y a des changements qui s'en viennent pas mal à part de ça. Ben oui, si vous regardez sur la page Assemblage Requis, qui va être avec vous pendant votre réveil? Et c'est un homme que vous ne connaissez peut-être pas, c'est bête. C'est celle de François-Olivier Marchand. Yes. C'est lui qui va animer avec moi l'édition matinale d'Assemblage Requis. On va l'appeler l'émission matinale en pièces détachées. Ça change pas. Ça va être du lundi au jeudi entre 7h et 9h, heure de l'Est, évidemment. Il y a plein de choses qui reviennent, par contre. Parlons des changements plus tard. Ce qui revient, c'est toi, premièrement. Oui, moi. Oui, je vais venir le lundi et le mardi matin. Oui, donc entre autres, lundi à 8h30 avec ta chronique Ton plat favori. Oui, que par exemple, la semaine prochaine, je vais faire le mardi. Oui, c'est ça. Exceptionnellement, vu que la session commence mardi. C'est louche. Drôle de début. On va avoir un lundi sur deux Audrey Tremblay de Zone Campus, qui est la nouvelle rédactrice en chef du journal Zone Campus. Elle va venir nous faire un résumé de l'actualité. Mardi, on va recevoir Maxime Lemularamé, que vous connaissez très bien, qui a fait une chronique la session passée. Il va être de retour avec Croyez-moi, ça fait mal. Sa nouvelle chronique. On va avoir Émilie Gauthier avec sa chronique Veux-tu sortir avec moi? Mercredi, il va y avoir Alexandre Delage, qui va nous faire des chroniques sorties des boulamites. Les jeudis, on va retrouver Simon Fitzbé à 8h avec une toute nouvelle chronique. Et le jeudi à 8h30, François Landry va être de retour avec nous pour une chronique qui va appeler Logocratie 101. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Parmi les nouveautés, bon, évidemment, François-Olivier Marchand va être là. Il va nous faire les actualités. Il va y avoir moins d'interruptions publicitaires dans la version matinale. On va aller dans des blocs de pub un petit peu plus courts. Snap, snap, comme ça, à chaque quelques minutes. Et puis, il va y avoir comme retour la chronique C'est un fait, évidemment, avec mes faits véridiques, véritables et vérifiables. CNX va être là, bien sûr. Ouais. Et les chroniques Info Campus seront de retour aussi cet automne. Donc, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, soyez là pour Assemblage Requis. Yes, sir! Sinon, toi, tu t'en vas pas. Non. Non? Non seulement tu fais des chroniques, mais en plus, on va animer les Palmarès Info ensemble. Oui, absolument. Jeudi, 14h, on va animer ensemble. Toujours un top 20 francophone et un top 20 anglophone, mais on va intégrer aussi d'autres affaires. Oui, je vais, entre autres, mes nouvelles que je faisais ici à Assemblage Requis, eh bien, je vais les faire pendant les palmarès du jeudi. Mm-hmm. Donc, soit en plus, ça ne changera pas. Je vais juste les transporter dans une autre émission. Téléporter. Oui, c'est ça. Et tu gardes ton émission, une pain bêche en mission. Oui, absolument, qui va être tout de suite après les palmarès de 17h à 18h. Bien sûr, je vais parler des spectacles, albums. Je vais peut-être parler un peu de mon plat favori, revenir sur mon plat favori pour ceux qui n'étaient pas là le matin. Et c'est ça qui est ça. Gros plan pour cet automne. Donc, tout le monde va être là, à des places différentes. Il y en a qui vont sauver plus de ballons qu'à l'autre. C'est comme ça. Comme toi et François. Et voilà, c'est un nouveau défi qu'on se lance. On va construire votre journée à partir de matériaux de qualité, comme on dit. C'est un petit peu sarcastique, à peine. Ça va bien partir le matin. Oh, qu'on va donc avoir du plaisir. Ce sera pas comme la pièce en arrière. Ça va être pas mal plus énergique, énergétique. Rempli d'énergie, disons. J'espère. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu de temps. Donc, on écoute Dead Cab for Cutie. Voici Meet Me on the Equinox. Et après ça, on se dit bye pour vrai. Pour de vrai, de vrai. Avec les Kleenex, tout le kit. Meet me on the equinox. Meet me halfway. The sun is perched at its highest peak in the middle of the day. Let me give my love to you. Let me take your hand. And as we walk in the dimming light, oh darling, understand that Et la chanson disait « Everything Ends ». Ah oui. Ça fit tellement. C'est incroyable, hein? C'est ouais. triste. Dead Cafe Cutie, assemblage requis. Comme on disait tantôt, c'est la fin de l'édition estivale. Donc, on va être de retour mardi. Mardi, pas lundi. Mardi. Oui, mardi, de retour à 7h le matin, assemblage requis. Yeah! Yeah! Hey, si tu y penses comme faut, de 7 à 9, le 7 du 9. Fait que c'est de la destinée, hein? Hein? Non? Hein? Ben oui, c'est ça. Bref, on va être là donc 7h à 9h lundi au jeudi à partir de la semaine prochaine, sauf le lundi de cette semaine-là. Ouais. Et puis les palmarès, c'est fou les jeudis de 14h à 17h, on rappelle les vendredis à 17h. Une pêche en mission de 17h à 18h ce même jeudi. Et vous, partout à C'est fou, écoutez ça, t'sais. Ce qui suit, c'est la spirale pour ceux qui écoutent le jeudi, pour les auditeurs du samedi, parce qu'on est en rediffusion pour encore une dernière fois samedi entre 16h et 19h. Restez à l'écoute pour la sécheuse suivie de l'émission Le Vestibule. À partir de 21h, passez une excellente fin de semaine. Stéphanie, tu as été une magnifique co-animatrice pendant cet été. Ah, c'était gentil. On peut même pas appeler ça une équipe B, tu sais. C'est comme une équipe A égale aux autres. Ça a pas pire remplacer K-1. Pas pire du tout. François-Olivier, par exemple, j'ai des doutes, tu sais. Mais... C'est rendu le boss, attention à ce que tu dis. Excuse-moi, ah, c'est vrai, ça va être excellent. On l'aime, François. On se quitte avec Jack's Mannequin. Oui, la pièce The Resolution, tirée de leur album The Glass Passenger. Au revoir. Au revoir. There's a lot that I don't know. There's a lot that I'm still learning. But I think I'm letting go. Find my body, it's still burning. And you hold me down. And you got me living in the past. Come on and pick me up. Somebody clear the wreckage from the blast. So I tried living in the moment. Till the moment it just froze. And I felt sick and so alone. I could hear the sound of your voice still ringing in my ear. I'm going underground. But you find me anywhere I fear. Yeah, I'm alive. But I don't need a witness to know that I survive. I'm not looking for forgiveness. Yeah, just to know that I survive. I'm not looking